ça. Promesse dans le livre mien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque livre. Oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre mien. Oh, chaque promesse dans le livre mien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque livre. Oh, oui, je crois en amour divin. Chaque promesse dans le livre mien. Oh, chaque promesse dans le livre mien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque lit, où l'amour, oui, je crois, son amour divin. Chaque promesse dans le livre mien. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous nous présentons devant toi au nom de Jésus-Christ. Père, que nous sommes dans l'humilité et par la foi, pour rendre hommage et gloire à ton Saint Nom, et prier que tu répandes sur nous ta grâce, et nous accorde encore plus d'humilité et de soumission, d'obéissance et d'attachement à Dieu. Toutes nos prières adressées à toi au courant de ces jours, nous prions sous le sang de l'agneau immolé Jésus-Christ de Nazareth, que ces prières soient entendues et exaucées. Communie avec nos âmes ce soir, alors que nous pensons à l'Église et à Dieu, que nous nous souvenons de tes promesses et ta manière d'agir depuis le jardin d'Éden. Redonne-nous la communion, Père du Seigneur. Redonne-nous la communion sur le sacrifice et sa mercy. Que chacun retrouve la consolation auprès de Dieu. Que tu ne te lasses pas de pardonner. Dieu qui éclaire le chemin des âmes ténébrées, Dieu qui sauve les âmes perdues, Dieu qui change le caractère indigne, pour nous donner le caractère parfait, le comportement de la parole, la personnalité de la parole. Nous avons besoin de cela, Seigneur Jésus. Que tu nous exauces, que tu nous bénis. Tu donnes la force à chacun et la foi nécessaire pour le voyage, afin de réclamer et d'obtenir chaque promesse de Dieu comme des véritables guerriers. Nous voulons faire des exploits avec Dieu. Notre foi s'offre à toi, Seigneur. Agrée-la sous le sang de Jésus-Christ et ôte toutes les immondices, toutes les salités mondaines qui suit notre parcours. Guéris les malades et remplis les cœurs assoiffés. C'est l'esprit de vérité, c'est l'esprit de sainteté, c'est l'esprit de Christ, Christ. Sceau de Dieu vivant. C'est toi qui viens le vouloir à faire. C'est toi qui suscite à nous la volonté et la capacité de réaliser. Nous sommes à toi maintenant, Seigneur. Traille-moi ton image dans le commis ses doigts. Pardonne nos péchés, Seigneur, afin que nous soyons trouvés en ta sainte présence, irréprochable et glorieux. Conduit la prédication de ce soir et entend le cri de chacun de ses âmes humbles. Toi qui as promis de faire grâce aux âmes, fais grâce aux âmes qui s'humilient devant ta grande sainteté. Au nom de Jésus-Christ, prions ainsi et pour toi. Amen. Amen. Nous allons lire à présent la parole du Seigneur dans Jean au chapitre 16. le verset 7 à 11. Molongo ya sambo kinozomi na moko. Pendant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Zambi ekoyesa bino litumba soko na kolongwa. Po ete soko na kolongwa te mosungi akoyela bino te. Kasi soko na kokenda na kotinda ye epai na bino. Ekoya ye akopamela ba mokili na tina na masumu, pe na tina na boyenge bene, pe na tina na kosambisama, na tina na masumu zambi bandiminga ite. Na tina na boyenge bene zambi na kokenda epai na tata mpe bokomona lisusu nga ite. Natina na kosambi sama, zambi mokolo na mokili, oyo asili kosambi sama. Jean chapitre 8, Yohane mukapa mwambe, le verset 21 à 24. Molonga tukumi bale na moko, kino tukumi bale na mine. Jean 8, verset 21 à 24. Yohane mukapa mwambe, molongo ya tukumi bale na moko, kino tukumi bale na mine. Jésus leur dit encore, je m'en vais. Et vous me chercherez. Vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, si tu es resté lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, bili sous na bango eti, ngai na kolonga mpe boko luka ngai, nde boko kufa na masumu na bino, esika ekokenda ngai bino boko koka koyate, bawida balobi eti, akomi boma ye moko, poete alobi eti, esika ekokenda ngai bino boko koka koyate. Alobi pe na bango ete, bino bouti na se, ngai na uti likolo. Bino bouti na mokili oyo, ngai na uti na mokili oyo te. Boye na lobi na bino ete, boko kufa kati na masumu na bino. Soko boko ndima te, ete ngai na jali oyo e jali ngai mbe, boko kufa na masumu na bino. Hébreux chapitre 10, verset 26 et 27. Ebele mokapo ya zomi. Molongo ya tukumi bale na motoba kino tukumi bale na sambo. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus des sacrifices pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Zambi soko toko sala kamasumu na nko sima na kozwa boye binasolo mekampo na masumu ejalili susu te. Etikali bobele ku talela esambi selo na somo pe moto na nkanda oyo ekojikisa batele meli. Tadjo bénisse la lecture de sa parole. Zambi atambula butangelo banaye. Veuillez vous asseoir maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Okokobanda sasa epi na kombo na Yesu Kristo. Souhaitant à chacun de vous la bienvenue dans la maison du Seigneur, à la table de Dieu. Bienvenue chez vous. Et que l'amour de Dieu inonde vos cœurs. Dieu, il est bon Et Dieu est parfait. Il nous envoie sa parole sans cesse. Parce que son plan, c'est de toujours envoyer la parole. Et le plan des enfants de Dieu, c'est de toujours recevoir la parole. Le plan de Dieu est de toujours envoyer la parole. Et la manière des enfants de Dieu est de toujours recevoir la parole. Quand la parole nous est envoyée, nous ne pouvons pas refuser de la recevoir. Car si nous refusons de la recevoir, il y aura vraiment des conséquences. Nous sommes en train d'effectuer à peu près un atterrissage forcé. Avec notre terme de l'année pratiquement. Et le baptême du Saint-Esprit. La majeure partie de l'an 2021 a été occupée à enseigner le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous réalisez cela? Donc finalement ça aura été presque le thème de l'année 2021. Alors la dernière partie de 2020 et la première partie de 2021 était occupée sous le thème de la nouvelle naissance. Nous avons terminé 2020 avec le thème de la nouvelle naissance. Et nous avons commencé 2021 avec le thème de la nouvelle naissance. Et après le thème de la nouvelle naissance, nous avons entamé celui du baptême du Saint-Esprit en deux sujets. Le premier sujet, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous l'avons suivi jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion. Et le deuxième sujet, c'est pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et par la grâce de Dieu, nous en effectuons un atterrissage fonctionnel. Il y avait encore des choses à enseigner. Mais la manière dont le Seigneur conduit les choses, et celle que nous allons mettre en point virgule. Alors hier, contrairement à mercredi, Dieu nous a fait une grâce particulière. Alors que mercredi, l'esprit s'est étalé encore dans la matière de la parole. Hier, bien que c'était un jour d'adoration, au lieu d'une exhortation, mais ça a été finalement un sermon, parlant du Saint-Esprit, convaincant le monde au sujet du jugement. Vous voyez ça? Au sujet du jugement. Et c'était un sermon droit au but. Bref, on a laissé un peu beaucoup de choses et on a dit quelque chose. Gloire à Dieu. Et nous disons que le plan de Dieu, c'est de toujours envoyer la parole. Et la manière des enfants de Dieu est de toujours recevoir la parole. C'est notre mode de vie. Dans le sermon, le péché impardonnable. Le Brenham fait un commentaire relatif au passage d'Hébreu 10, verset 27, qui nous position pour introduire la prédication. Alors le péché impardonnable, le péché le 24 octobre 1954, nous lisons le paragraphe 244. Le prophète dit ceci. Maintenant, qu'est-ce que le péché impardonnable? Réponse. C'est pécher volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que le péché impardonnable? Réponse. Yano. C'est péché volontairement. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Qui dit amen? Nana l'obéissance bongo. C'est ça le péché impardonnable. Quelqu'un a-t-il retenu? Amen. Je peux voir les doigts de ceux qui ont retenu. Ah, c'est facile quand même. Merci beaucoup. Qu'est-ce que le péché impardonnable? C'est péché volontairement. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Donc, lorsque vous avez déjà reçu la connaissance de la vérité, et que vous vous mettez à pécher volontairement, c'est ça le péché impardonnable. Que Dieu ne va pas pardonner. Nous disons amen. Nous prenons notre vie spirituelle au sérieux. Okay. Or, si tu as commis un péché impardonnable, c'est que Dieu ne peut plus jamais te donner le Saint-Esprit. La porte est fermée pour toujours. Et ça s'appelle le péché impardonnable. Tu peux changer d'église, t'accès au pasteur ici, notre prédicateur est décédé de là. Le problème ce n'est pas avec les hommes, c'est que le trône de Dieu t'a fermé les portes. N'arrivez pas jusque là. N'en arrivez pas jusque là. Qu'est-ce que le péché impardonnable? C'est péché volontairement. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Est-ce vrai? Car c'est lui qui pêche. Et maintenant? Maintenant, on parle du péché. La question. Et qu'est-ce que le péché? Voilà. Mettons-nous d'accord un peu là. Qu'est-ce que le péché alors? Et le péché impardonnable, c'est de pécher volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Maintenant, qu'est-ce que le péché? Réponse. Yano. C'est l'incrédulité. Ezali kozanga kondima. C'est quoi le péché? C'est l'incrédulité. Maintenant, c'est quoi le péché impardonnable? C'est de pécher volontairement. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Mais le péché c'est quoi? C'est l'incrédulité. L'incrédulité. C'est ça le péché. Quand vous regardez cela, et vous dites, c'est la vérité. Mais vous refusez de recevoir cela. Vous arrivez à identifier la vérité de Dieu. Vous reconnaissez et votre bouche peut même témoigner que c'est la vérité. Mais bien que vous reconnaissez que c'est la vérité, vous refusez de la croire. Vous refusez de la recevoir. Voilà le péché volontaire. Voilà le péché impardonnable. De reconnaître qu'une vérité me refuser de la recevoir. Refuser de la pratiquer. Refuser. Parce qu'il est question de péché volontairement. Quand on pêche volontairement, c'est qu'il y a un refus manifeste. Ok. Quand vous regardez cela, et vous dites, c'est la vérité. Mais vous refusez de recevoir cela. Si quelqu'un pêche, ou désobéit, volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. La connaissance de la vérité t'a été faite. On t'a transmis. On t'a présenté. La connaissance de la vérité. Tu es au courant de ce que c'est la vérité. Tu connais ce que dit la vérité. Tu en as la connaissance. Mais tu ne la reçois pas. Tu refuses de la pratiquer. Voilà le péché. Impardonnable. Veillons sur nos âmes. Prenons garde à ce que nous voulons. Prenons garde à ce que nous faisons. Dieu surveille ce que nous faisons. Donc, quand vous regardez cela, et vous dites, c'est la vérité. Pourquoi dites-vous que c'est la vérité? Parce qu'elle vous a été présentée comme étant la vérité. Et au détendez-vous, vous avez reconnu que c'est la vérité. Mais ensuite, vous refusez de recevoir cela. Vous refusez de lui donner une place dans votre vie. Vous refusez de l'établir dans le trône de votre cœur pour qu'elle soit votre guide, votre directeur, pour qu'elle soit le moteur qui motive vos actions, vos attitudes. Vous refusez de le faire comme ça, donc vous demeurez volontairement incrédule. Et parce que vous demeurez volontairement incrédule, c'est que là il y a un sérieux problème. Ça devient un péché impardonnable. Car tu as déjà reçu la connaissance de la vérité. Mais tu ne lui as pas réservé le sort que Dieu attend de ta part. Si quelqu'un pêche, vous désobéis volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Voilà la vérité et c'est là qu'elle repose. C'est tout à fait comme si vous vous approchiez, voici en gros la même chose. Hein? Voyons. Voici en gros la même chose. En parlant du péché volontaire dans Hébreux 10, verset 26, on ne parle pas des attributs du péché, du genre convoité, trompé, volé, menti, péché, des choses comme ça. On attaque la racine du mal. On voit le péché d'incrédulité. On ne croit pas à la vérité. Après l'avoir connue, on refuse de la pratiquer. Après l'avoir identifié. Et pourquoi on la pratique pas? Parce qu'on ne l'a pas cru. On ne l'a pas reçu dans le cœur. On ne veut pas l'honorer. On ne veut pas la respecter. On ne veut pas la pratiquer. Et c'est l'incrédulité qui fait ça. Est-ce que nous attendons pour des gamins? Nous allons pas à pas. Pas à pas. Je vais lire encore dans un autre sermon ici. Dans le sermon L'Expectative. Prêché le 8 mai 1958. Je prends le paragraphe 20 et 21. L'Expectative. Et pendant cette vie, si nous avons l'occasion de choisir entre le bien et le mal, on revient à la même chose qu'en Éden. Un homme et une femme avaient eu à choisir entre faire le bien et faire le mal. Pendant notre vie terrestre. Pendant notre vie terrestre. Pendant ta vie sur terre. Toi, homme, toi, femme. Garçon ou fille. Mère ou père. Tata ou maman. Qui que vous soyez. Si nous avons la possibilité ou l'occasion de choisir entre faire le bien et faire le mal, si cette occasion nous est donnée, si cette possibilité nous est donnée, comprenez que nous revenons dans la même situation au jardin d'Éden. Où il y avait les premiers hommes et femmes, les Dieu avaient façonné sur terre. Ils ont eu la possibilité de choisir entre faire le bien et faire le mal. Ils pouvaient choisir. Deux arbres étaient placés devant eux. Et les Écritures nous apprennent que l'un d'eux, c'était l'arbre de la vie. Et l'autre était l'arbre de la connaissance. Et l'homme a choisi de manger de l'arbre de la connaissance. Autrement dit, il a choisi de faire le mal. Là où il avait la possibilité de choisir de faire le bien, il a malheureusement choisi de faire le mal. Et la première fois qu'il a mangé de cet arbre-là, il a rempli son amitié avec Dieu. Et il est devenu un être mortel. Depuis lors, l'homme désire vivre de cet arbre de connaissance. Et il a accompli de grandes choses. Mais la connaissance seulement peut atteindre un certain point. La connaissance est bonne. Mais lorsque vous arrivez au bout de votre connaissance, alors croyez à partir de là. Notre connaissance est partielle de la vie. En Corinthiens 13 déclare que nous connaissons à partir. Connaître ne signifie pas croire. On peut connaître et refuser de pratiquer. On peut connaître et refuser de croire. On peut connaître et ne pas accomplir. Et on n'accomplit pas parce que on ne croit pas. C'est l'incrédulité qui empêche l'obéissance. On peut connaître, mais on ne pratique pas. Parce que la connaissance n'est pas synonyme de la foi. Mais l'incrédulité du cœur, c'est ce qui empêche l'être humain d'obéir. Qui dit amen? Que chacun juge son cœur maintenant. Examinez-vous vous-même. Comme a dit la Bible, dans 1 Corinthiens 11, si nous nous jugeons nous-mêmes, alors nous ne serions pas jugés. Que chacun se juge soi-même maintenant. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Vérifiez vraiment bien. Car si vous croyez la vérité, alors vous pratiquerez la vérité. La connaissance est partiel. Vous connaissez en partie. Mais lorsque vous évoluez avec votre connaissance, c'est une bonne chose. Allez jusque là où elle se limite. Jusqu'au bout de votre connaissance. Dès que vous réalisez que la connaissance accuse ses limites. Alors, madame vous conseille, croyez à partir de là. Développez maintenant la foi dans la vérité. La foi dans l'auteur de la vérité. La foi dans les propriétaires de l'évangile. La foi dans le Dieu vivant. N'est-ce pas que ce sont les fondements que nous avons remis mercredi? Et Le premier fondement était le renoncement aux œuvres mortes. Dans la parole, vous identifiez les œuvres mortes. Nous venons d'apprendre qu'il ne faut pas discuter. La manière des enfants de Dieu, c'est de s'incliner. Dès que la parole dit que telle chose est une œuvre morte, telle chose est mauvaise, notre manière à nous, c'est de nous incliner aussi. De nous disposer à vos pays. Le deuxième fondement était la foi en Dieu. Quand je dis que ceci est mal, mon âme dira amen et c'est bien comme ça. Ma bouche dira aussi que c'est mal. Tous les membres de mon corps reconnaîtront aussi que c'est mal. Je n'ai pas le temps de contester, de discuter. J'identifie la vérité, je la crois. Aussitôt que je la connais, dans les limites que je connais cela, je dois croire à partir de là. Voulez-vous? On ne vous a pas fait connaître que plus que ça. Si on vous connaît, si mais la avant de chercher à savoir si mettre les boucles d'oreilles est mauvais ou pas, la connaissance est déjà fournie. Tu sais que fumer la cigarette c'est mal. Aussitôt que cette connaissance s'arrête, là où se développent les limites de cette connaissance, je développerai la foi en Dieu à partir de là. Dites au Seigneur, je crois chaque vérité de Dieu. Tel que tu l'as dit, je n'ai pas discuté. Mais amen dans mon cœur. Que cette parole soit vivifiée à moi. Que ton esprit la vivifie. Pour ma part, je la crois. Sans contredit, je la crois. Sans tarder, je la crois. Que l'esprit qui a inspiré cette parole lui donne vie, ta vie. Est-ce que c'est compliqué de faire ça? Bien sûr que c'est facile. Rien de compliqué, mes amis. Et quand ils ont quitté l'arbre de la foi, ils ont perdu Dieu. Si vous vous limitez seulement à la connaissance, sans développer l'arbre de la foi, là où la connaissance montre ses limites, là où la connaissance se borne ses limites, si vous abandonnez l'arbre de la foi, vous perdez Dieu immédiatement. Quand ils ont quitté l'arbre de la foi, ils ont perdu Dieu. C'est ainsi que dans l'église, on a beaucoup de gens qui ont certaines connaissances, mais ils n'ont pas Dieu dans leur maison. Et Christ est mal. Ils peuvent vous parler de versets bibliques. Ils peuvent vous parler de certains paragraphes de citations de messages. Mais ils ont perdu Dieu. Ils n'ont pas de vie. Miséricorde. Ne perdez pas l'arbre de la foi. Gardez précieusement l'arbre de la foi. Ayons foi en Dieu, le Dieu vivant. Chaque jour et partout. Écoutez, l'homme ne connaît pas Dieu par la connaissance. L'homme connaît Dieu par la foi. Tu peux lire et lire, mais what is reality? Si y a lui, tu as lui, tu connais, mais what is reality? Il faut la foi pour palper les réalités de la parole. Il faut la foi pour palper les réalités infaillibles de l'évangile. Vous pouvez connaître autant et autant, mais ça sera faillible. Ce qu'il était fort, c'est l'arbre de la foi. Il faut détruire l'arbre de l'incrédulité pour développer l'arbre de la foi. L'incrédulité est innée dans l'homme, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que Dieu nous soit favorable. Zambe azala malamu pona biso. L'homme ne connaît pas Dieu par la connaissance. L'homme connaît Dieu par la foi. C'est l'unique moyen par lequel l'homme peut rencontrer Dieu. C'est sur base de la foi. L'unique quoi? Tu veux rencontrer Dieu. Rencontrer le Saint-Esprit. Tu connais ceci et cela de la parole. Mais pour rencontrer Dieu, il te faut la foi. N'est-il pas écrit dans Hébreu 1 au verset 6 que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On n'a pas dit sans la connaissance. Mais il est écrit sans la foi. Sans la foi, c'est totalement impossible de plaire à Dieu. D'attirer son attention. De l'intéresser à notre vie. Il te faut la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie d'abord que Dieu est. Et ensuite, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qui veut dire amen? Hébreux 11. Vous le savez. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, il faut croire. Pas connaître, mais croire. Oye, bate, kasi kondima. Plusieurs connaissent, mais croient pas. Mingi ba yebi, kasi wazali kondime la yangote. Plusieurs connaissent que Dieu existe. Mingi ba yebi, c'est la connaissance de l'existence de Dieu. Zali, mais vous devez croire l'existence de Dieu. Osengeli kondima, et Nzambe azali. Existe. Nzambe azali. Comme il est écrit. Donc, le komami, il n'est pas loin de chacun de nous. Azali, mo, tikate, moko, na, moko, si Dieu existe. Si Nzambe azali. La main n'est pas courte pour sauver. Donc, on a mo, kou, sete, pona, kou, si Dieu existe. Mon oreille n'est pas trop dure pour entendre la prière. Si mon cœur croit que Dieu existe, alors je saurai qu'il écoute ma prière. Et qu'il est mon sauveur qui m'attend. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'écoutent. Y a-t-il un cœur qui croit ça? Pas qui connaît, mais qui croit. Quand tu crois, tu palperas. La foi amène les choses invisibles à la visibilité. La foi rend les choses impossibles. Tout à fait possible. Est-ce que tu saisis? Est-ce que ça te concerne? Veux-tu évoluer d'un pas en avant? Et aussi d'un escalier au-dessus. Monter un peu de degré. Il suffit pas de connaître. Tu connais, mais il y a des gens. Il y a des gens qui ont fait des choses. Maintenant, il faut développer la foi. Et Christ Jésus, ton sauveur. Ton rédempteur. Nous te présentons en toute vérité. Il est celui qui suscite la foi. Il est celui qui l'amènera à la perfection. Rencontre-le. Approche-toi de lui. Et lui s'approchera de toi. Oh, avec amour, nous pouvons le faire. Avançons. Qu'est-ce que Frère Branham continue à dire? L'homme connaît Dieu par la foi. C'est l'unique moyen par lequel l'homme peut rencontrer Dieu. C'est sur base de la foi. Frère Branham a prêché un sermon intitulé Une foi éprouvée produit toujours les résultats. Une foi éprouvée produit toujours des résultats. ta foi à toi doit passer par diverses épreuves. Mais au final, elle doit produire des résultats. Et c'est obligatoire. C'est non négociable. Écoutez, l'homme connaît Dieu par la foi. Et c'est l'unique moyen par lequel l'homme peut rencontrer Dieu. C'est sur base de la foi. Si tu crois, a dit notre Seigneur Jésus. Non pas si tu dis un décret. Tu commences à dire je décrète. Ou tu répètes un degré. Ou ce n'est pas, ou si tu es baptisé de telle et telle manière. Mais l'Écriture a dit, si tu crois. Le problème, c'est que vous devez croire. Et l'ennemi de la foi s'appelle le. Et l'incrédulité, c'est ça le. Péché. Écoutez, Frère Branham. Le seul péché qu'il y a, c'est celui d'incrédulité. Le seul péché qu'il y a, c'est celui d'incrédulité. Dès ce soir, il te faut une délivrance totale. C'est l'incrédulité. Nous avons rendez-vous avec le Saint-Esprit. Comment fera-t-il pour toi quoi que ce soit tant que tu as l'incrédulité au dedans? Il n'y aura rien. Il faut briser l'incrédulité. Il faut s'en séparer définitivement. Résolument. Le seul péché qu'il y a, c'est celui d'incrédulité. Chaque personne ici présente, ce soir, est contrôlé soit par la foi, soit par l'incrédulité. Dites amen. Faisons les tours d'horizon. Qu'est-ce qui te contrôle toi? Nini, ezali kolambela likolo na yo. Tu es assis à l'église, c'est vrai. Ovani na eklezia ya solo. Mais tu peux être assis si tu entends pour ajouter connaissance à connaissance. Mais rien de la foi ne se développe. Eloko tia koni mezali kokoba kokende liboso. À l'église et tu retournes plus loin. Ovani na eklezia ezali kozonga mosika mikoleka na Nzambe. Mais chaque personne assise ici ce soir. Moto nonso asi kovanda na pokwa. Et contrôlé soit. Akambami na moko tona mosiko. Par la foi. Par l'incrédulité. Est-ce que vous prenez conscience? Vous allez qu'on soit là. Mais comme des flatteurs de nous-mêmes. Nous posons la question ici. Frère, toi tu es contrôlé par quoi? On dira avec beaucoup de facilité. La foi. Si tu n'avais pas la foi, comment tu peux me retrouver? On ne t'a pas demandé de t'expliquer. On pose une question courte. Tu es contrôlé par quoi? Et Branham vous dit, bien qu'il parle à un auditoire religieux, bien qu'il a affaire à une église rassemblée, il dit que chaque personne assise ici ce soir est contrôlé soit par la foi, soit par la foi, soit par l'incrédulité, c'est l'un ou l'autre. Et la vérité, c'est comme cela. Imaginez que vous êtes contrôlé par l'incrédulité. Quand la question vous parvient, moi, je suis contrôlé par la foi. N'est-il pas misérable? Une personne difficile à aider. Tu ne se connais pas qui est dans l'état d'amnésie totale. Vous voulez sionner le questionnaire? Dérangé, arrangé. Mais je vous dis que si certains vont dire qu'ils sont contrôlés par la foi. Mais bien aimé. Contrôlés par la foi et nous sommes dans l'état où nous sommes ici. À moins de ne pas savoir de quoi parlons-nous quand nous parlons de la foi. La foi est une ferme assurance de la vie. Des choses qu'on espère. Et il est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11. Maintenant, si toi tu étais tenté, je vous ai épargné, nous gagnons le temps. Je vous ai épargné de l'horizon du questionnaire. Et toi-même, si tu te prépares à dire la foi, es-tu capable de démontrer les choses qu'on ne voit pas ici? Dans la salle où tu es assis ici. Sur le chahi. Dans l'immédiat. Mbalamoko awa, ça ça y fait. Peux-tu démontrer les choses qu'on ne voit pas? Oko ko tali sama ka mozali ko mona te. Quand on est contrôlé par la foi, on est capable. Kito kamba mina kondi mazana makokia ko sala bongo. Un jour quelqu'un a dit à frère Branham. Kolo moko mo tali ngi ko Branham. J'ai la foi. Nazana kondi ma. Frère Branham redi. Ne ko bana lobili. Mais tout est possible à celui qui croit. Nyonso ko sale mana motona zali kondi ma. Peux-tu soulever cette table par la foi? Oko ki ko matisa mesa ona kondi ma. Il dit, oh. Alobi. Il dit, à oh, mais ça, c'est la magie. Voilà, voilà les gens. Ils savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent de la foi. Il est allé prétendre auprès des prophètes. Il a dit, Branham lui dit, est-ce que tu peux soulever la table? Alobi, au coquille, qu'on tombe dans la messe avec Zalia. Par la foi. Nazela Kondima. Il s'y sort. Il me demande de pratiquer la magie. Il a Et Branham lui dit, moi je veux le faire. Vous voyez comme la Bible dit, montre-moi ta foi sans les autres. Et moi je te montrerai la mienne par les autres. Branham a regardé la table. Il a soulevé la table. Sans les secours d'aucune main. Et il a ordonné à la table de retourner au sol. La table est rentrée par terre. L'homme était confus. Moto azaki mobulu na kati na ye. Bon, toi appelle ça magie. Et moi je t'appellerai incrédule. Ngai na kubenga mozangi kondima. Vous réalisez? Vous allez comprendre yango. Que bien des fois nous pensons avoir la foi. Malamingi tu vanta ka kozala kondima. Et nous pensons être dirigés par la foi. Tuvanje te tukamai na kondima. Mais nous sommes loin de la chose réelle. Tuzali mosika na likambo ya Dieu. Oh, miséricorde. Bosawa. Que Dieu nous aide à parler les réalités de l'évangile. Ya kosimba bosolo ya sango malamu. Pour parler comme le père de. Bona koloba. De cet enfant lunatique là. Lokola tata ya mwana oyo ya mobeli wana. Viens au secours de mon incrédulité. Oh mon Dieu, que Dieu te fasse grâce. Amen. Or c'est quand Dieu agrée ta foi qu'il te donne le Saint-Esprit. Alors dès ce soir, cassons l'incrédulité. Au rendez-vous de dimanche, venons dans la foi. Démontrons notre foi. Démonstration des choses qu'on ne voit pas. Le Saint-Esprit n'est pas visible à l'œil nu. Mais votre foi doit les démontrer ce dimanche. A-t-il peur de ça? Vous avez déjà fui? Mon cher ami. Tu dois affronter le Saint-Esprit. Il faut le rencontrer, il a été envoyé pour ton âme. À ce rendez-vous, moi je répondrai présent. Amen. Amen. Déjà il est avec nous ce soir. C'est lui qui nous taille là. Il est en train d'arrondir les angles. Il nous aide à nous rapprocher de la source. Et naturel davantage. Osez toujours dire. Kolongola, kobeta tembenyoso. Osez toute incrédulité. Kolongola, bosangi kondimanyoso. Ayez la plénitude de la foi. Zalana litondi ya kondima. Croyez du mieux que vous pouvez. Kondima, lolenge malamu oyo kondima. Tu vas dire amen. Vous levez d'aller bongo. Tu vas dire amen. Vous levez d'aller bongo. Écoutez. Oyoka. Le seul péché qu'il y a. Jésus m'a fait le mot quoi, Ezali. C'est l'incrédulité. Ezali kozanga kondima. Chaque personne. Motonyoso. Ici présente ce soir. Awa sasa epi na poko amen. Et son collé soit par la foi. Akambami nandela na kondima. Soit par l'incrédulité. To na kozanga kondima. Votre vie prouve bon, moi, allez, kotali, ça. Ce que vous êtes. Oyo, bino, vous allez. Et par la vie que vous menez Utana, bon, vous allez, kobika. Et les actes que vous posez. Ke, misala, izali, bino, kosala. Votre vie prouve ce que vous êtes. Bon, moi, allez, kotali, ça. Oyo, de par la vie que vous menez. Utana, bon, vous allez, kobika. Temisala, ozali kosala. Toki ozali mondimi, yango koyebana. Ozali mozangi kondima, yango pe komonana. Imaginez. Obanza. Maintenant, de vous tous qui vous appelez croyants, avec ce cas du frère Branham, cet homme-là qui prétendait avoir la foi, tu fais mesure toi-même. Est-ce que tu peux soulever cette chair par la foi? Mon frère, ma soeur, toi qui depuis des années déclare être croyant de son étage, la chair est devant vous. Il y a-t-il quelqu'un qui peut soulever sa part à la foi? Regardez l'auditoire. Y a-t-il quelqu'un qui peut soulever la chair par la foi? Ne voyez-vous pas qu'il faut que Dieu vienne au secours de notre incrédulité? Nous comptons les années à l'église, mais nous sommes encore loin du but. Nous déclassons les autres, nous minimisons les autres, mais nous-mêmes, par rapport au juge parole, qu'allait-il de nous? Il est temps que nous nous occupons de nous-mêmes. Que nous puissions nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Au lieu de perdre le temps à critiquer un tel, et parler à mal de celui-là. C'est cela la mission que Dieu t'a confiée. Quand le Fils de l'homme viendra, reverra-t-il la foi sur la terre? Voilà les problèmes. L'incrédulité bat son plein. L'incrédulité fait son travail. Mais le Seigneur a promis le Saint-Esprit. Dans son troisième but, il vient pour convaincre le monde. Au sujet de quoi? Du péché. Et c'est de ça que nous parlons ce soir. Le Saint-Esprit convaincant le monde du péché. Jésus-Christ, notre divin modèle, Jésus-Christ, il a lancé un défi. Qui de vous me convaincra de péché? Aller et dire que tu es incrédule. Le péché, c'est l'incrédulité. Mes chers amis, il pouvait le dire parce qu'au-dedans de lui, il n'y avait aucune trace d'incrédulité. Aucune zone de faiblesse appelée l'incrédulité. Aucune zone de ténèbres appelée l'incrédulité. Il n'y en avait pas en lui, Jésus-Christ. Il était sans péché. Pendant son ministère. Mais il n'a porté de péché qu'à la fin de son ministère. Et c'est là à notre place. Êtes-vous là? Êtes-vous là, bien-aimés frères et sœurs? Et est-ce que vous aimez ces vérités? Jean 8, verset 46. Quittez-vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Nani kati na bino akokwe sangai na tina na lisumu. Soko na jali koloba likambo na solo pona nini boko ndimangai te? Je vous déclare la vérité. Nazali koloba la bino solo. Mais pourquoi ne croyez-vous pas? Pona nini bozali ko ndimangai te? Vous limitez à l'entendre. Vous allez avoir une connaissance. Pona kozala na boyebi. Mais vous ne débordez pas la connaissance. Bozali ko kende likolo te na boyebi. Pour développer la foi. Pona kobandisa ko ndima. Mais moi je vous dis la vérité. Nazali koloba la bino solo. Développer la foi en la vérité. Kobandisa ko ndima kati na solo. Pendant que la lumière est avec vous, croyez en la lumière. Tango pole za longo na bino bondi me la pole wana. Pour que vous soyez enfants de la lumière. Oui, c'est vous à la bana Napolé. Qui croit ça? Nana le condi bayango. Oh, mes chers amis. Baninga. Nous sommes au temps de la fin. Amen. Tous en attendant la souka. Nous prions que Dieu secoue chacun maintenant. Nous allons pouvoir aller dans un bain à nous ne pouvons pas continuer dans le chemin de l'incrédulité. C'est vrai. La solo. Que Dieu nous aide vraiment à croire à la lumière. Zambe asunga biso kondima kati na solo. Pendant qu'elle est là, croyons-la. Wana les aliwa na tondi bayango. Que nous soyons de véritables enfants de lumière. Oui, tous à la bana oyo ya solo ya polé. C'est bien possible par la grâce de Dieu. C'est vraiment possible. Je sais que Dieu peut le faire. Il peut susciter la foi et une foi qui se démontre. Mais il te faut un contact avec le surnaturel. Avec celui qui suscite la foi. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est bien possible de le contacter et d'atteindre un niveau spirituel. N'est-ce pas vrai? Qui de vous me convaincra de pécher? Quand il a parlé aux Juifs, il leur dit que vous là, vous mourrez dans votre péché. Mais lui, personne ne pouvait le convaincre de pécher. Personne ne pouvait le convaincre de pécher. Parce qu'il était le Fils de Dieu. Saint. Sans péché et séparé des pécheurs. Tel était notre Seigneur Jésus. Revenons dans Jean chapitre 8. Voyons ce qu'il dit là-bas. Oh. Verset 21 à 24, comme l'a dit. Jésus leur dit encore, je m'en vais. C'est de la justice de Dieu, vous savez. Et vous me chercherez. Et vous mourrez dans votre péché. Péché singulier. Et le péché singulier, le seul péché qu'il y a, c'est l'incrédulité. N'est-ce pas que ces gens auxquels il parlait étaient incrédules? Lorsque le Seigneur parle ici, ne parlait-il pas à des incrédules? N'était-ce pas des gens qui ne croyaient pas en lui? Qui n'avaient pas foi à l'évangile? Bien sûr que oui. Alors, lui ne pouvait pas s'éterniser, continuer à demeurer sur terre éternellement, pour attendre des gens qui sont manifestement et volontairement incrédules. La grâce leur a été donnée, l'occasion leur a été donnée, le temps leur a été donné, mais ils ont tout négligé. Ils ont tout négligé. Ils ont demeuré volontairement incrédule. Alors le Seigneur est pur de l'instant. Il leur dit ouvertement, moi je m'en vais. Quand je serai parti, alors la soif de moi se développera à vous. Vous m'aiderez alors à me chercher. Mais vous mourrez dans votre péché. Quel péché? L'incrédulité. L'incrédulité. Vous allez voir là. Mais il enverra le Saint-Esprit pour convaincre le monde d'incrédulité. Pour le persuader qu'ils sont incrédules. Quand il fréquente les églises, personne n'est incrédule. Le Saint-Esprit est là pour vous convaincre de cette chose. Répentez-vous de votre incrédulité. Dites ouvertement au Seigneur, je comptais les années à l'église, mais c'était les années d'incrédulité. La foi que j'ai prétendu posséder n'a pas rapporté le fruit que l'évangile a annoncé. N'a pas produit les résultats de la parole. J'ai été plus incrédule que croyant. Viens au secours de mon incrédulité. Et fais en sorte que je devienne ton vrai croyant. Pouvez-vous prier comme cela? Amen. Quelqu'un se sent-il capable de s'adresser à Dieu comme ça? Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans un cœur impénitent. Il nous avait des péchés inconfessés. Sachez que c'est une barrière au Saint-Esprit. Vous devez confesser vos péchés. Réparer tout ce qu'il faut réparer. Jésus leur dit encore. Je m'en vais. Et vous me chercherez. Et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Yes, alors vini sous na bango eti. Ngai na kolongwa. Tebo koluka ngai. Nebo kokufa na masumu na bino. Esika eko kenda ngai bino boko koka koyate. Sur quoi les Juifs dirent? C'est tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Regardez la mentalité des gens. Quand la parole est proclamée, quand la parole est présentée, regardez leurs idées. À quoi ils parlent, ça va les faire se souiller. Trop de passé, c'est de légèreté. Dis n'importe quoi. Parce que simplement, ce n'était pas des croyants. Quand vous avez la foi dans le cœur, la parole trouve une place. Vous ne pouvez pas ridiculiser la parole. Non. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vérité sur vérité. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Alors, il fait la bango et bino bouti na se. Ngai na uti na likolo, bina bo uti na mokili oyo, ngai na uti na mokili oyo te. Tout ça pour les aider à comprendre. Nous sommes là pour nous sommes trop bas, trop bas. Azala ki bato ya se mingi koleka. Le Seigneur parle de la vérité divine. Regardez comment ils traitent ça dans leur cerveau. Tala le lengi bazali ko sale la ngona boktu na moko ya bongo na bango. Je m'en vais. Alors viens tu azali ko pinda. Eh, vous me cherchez. Et vous mourrez dans votre péché. Car vous ne pouvez venir là où je vais. Au lieu de considérer la vérité dans sa totalité. S'accroche qu'à la dernière phrase. Au dernier bout de phrase. Et il cherche à interpréter ça. Mais écoutez. Où ira-t-il? Et tu iras-t-il lui-même? Parce qu'il dit, vous ne pouvez venir vous pouvez venir. Mais pourquoi vous ne vous questionnez pas quand Jésus vous dit, vous mourrez dans votre péché. Pourquoi cette vérité-là ne vous intéresse pas? Vous voulez prendre ce qui est accessoire et terminal. Mais la chose importante, il aurait dû vous réveiller du sommeil et changer votre vie. Vous passez à côté, vous ne vous occupez des accessoires. Debout de phrase, souka terminale. Ya maloba wana wewe zaliko suki sango. Il dit qu'il s'en va. Alors zaliko kenda. Ça ne vous interpelle même pas. Yango et peine vous dites sur la bino. Il dit que vous me chercherez. Alors bino moko lukanga. Ça ne vous dit toujours rien. Il appelle bino le côté. Ce qui vous intéresse. Oui, zaliko bino moko. Interpréter les travers. Kolimbola na la phrase qui dit, vous ne pouvez venir où je vais. Il appelle zaliko la boko koko ya ti pa yapi na zaliko kenda. Vous tournez ça en dérision. Bango bo baloki yango na lolengo zombite. Pour faire une comédie. Pour akokomi sa yango isomba kaseka. Et vous me dites, est-ce qu'il va se tuer lui-même? Wana ya komi bo maye moko. Et quelqu'un qui a tenu un bêta. Boko zaliko loka bêta. Mais, ma soeur, c'est compliqué. Il y a comme un Alobi, il faut qu'il n'y ait pas hier ce qu'il était. Est-ce qu'il a commis bon ma, a commis ses idées, bah, commis sa comédie? Voilà, comme il comme vraiment c'est qui? Pendant que je suis parlé, ils sont trop sérieux. Voilà, y est, ça va, n'est-ce pas, comme j'en ai eu qui mingue. Il aurait dû les interpeller. Et qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a poussé à la repentance. Qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a fait, qu'on a Bazalaki wana te. Alors Jésus les aide. Yes, asungi bango. Il poursuit la phrase. Akobi maloba oyo. Il dit, vous êtes d'en bas. Bino bozali bato ya se. Et moi je suis d'en haut. Ngai nazali moto ya likolo. Vos réactions et vos commentaires. Bozongi sama kana mpe maloba na bino likolo. La parole d'en haut que je vous présente. Bozali la loba likolo nazali ko la tabino. Vous êtes d'en bas. Vous allez kotali sa awa et que vous allez bato ase. C'est trop bas. Vous allez bato ase mingi koleka. Est-ce que l'évangile que Dieu vous donne. Et en voilà mon zama zali ko pesa bino. Le message que vous ai donné. Sango et pesa me pa ya bino. Je vous ai demandé de monter d'un grade. La tuni bino bobuta moke likolo. Chaque fois c'est pas en avant. Moko na moko na mnatali tamé moko liboso. Tous les bassins dans lesquels vous êtes. Olongwa makambo asana c'est pas ce que vous pensez. Cette mondanité est incrédule. Makambo qui fait abosangi kondima. Saisissons la vision. Osimba et mono. Le message divin. Oya sango oya nzambe. Êtes vous là? Vous allez wana? Arrêtez des discussions. Aussi kako ya malowe zali kopote lokote. Des débats gauche. Croyez la parole qui vous est présentée. Sans tarder. Croyez la parole. Comme le Seigneur a dit. Amen. Le temps est accompli. Tangwekokisami. Repentez-vous. Boyambola. Et croyez la bonne nouvelle. Te bondi ma sangu malamu. Ne perdez pas trop votre temps dans les futilités. Le temps est déjà arrivé. Nous n'avons que du temps à racheter. Nous n'avons que du temps à perdre. Répentez-vous chacun de vos péchés. Répentez-vous de votre incrédulité. Cette incrédulité chronique dans l'église. Répentez-vous-en. Et croyez l'évangile. Croyez la bonne nouvelle. Amen. Écoutez, Jésus poursuit encore. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes des chemins. On vous donne l'évangile du niveau élevé. Et vous les tirez vers le bas des caniveaux. Bande d'incrédules. Répentez-vous. Boyambola. Le royaume de Dieu est proche. Écoutez frère. Oyokandeko. Vous êtes de ce monde. Mais moi je ne suis pas de ce monde. C'est dans ce monde que les gens se tuent des soucis. Ils se suicident. C'est dans ce monde ici. Et quand vous vous questionnez, est-ce qu'il va se tuer lui-même? Voulez-vous faire de moi un homme d'en bas? Un lâche qui va s'empoisonner? Qui peut se pendre lui-même? Parce que le problème l'ont dépassé. Un lâche de ce genre-là? Alors que les lâches n'ont pas de place dans le royaume de Dieu? Un être humain doit affronter les épreuves. Vous devez affronter les difficultés. Qui est Dieu tout capable là-haut. Il est le secours qui ne manquera jamais dans le fait. Vous êtes censé le savoir et le croire. Et parmi les lâches, il n'y a pas prendre la corde pour aller vous pendre. Mais qu'on va prendre la corde pour aller vous pendre. Et imaginez que Jésus pouvait aller se pendre. Vous êtes le diable des angoulins. Imaginez aussi que Jésus, le Fils de Dieu, pouvait aller se pendre. C'est lui-même. Mais comment une telle inspiration peut vous arriver à vous connaissez-vous qui est-il celui-là? Pour s'imaginer pareil inertie à son sujet. Hein? Qu'il peut se tuer. Comme le font les mondains, les gens de la terre. Comme ils vivaient maintenant dans la clandestinité, ils étaient recherchés pour rendre les avoirs qu'ils avaient volés. Alors, ils n'arrivaient plus à s'en sortir. Savez-vous quel poisson il a pris? Il est allé boire 30 comprimés de chloroquine. Il prend toute la masse. On nous a amené dans un hôpital. Babina qui est kuna na l'hôpital. On regarde de l'homme méconnaissable. Batali moto okoye ba été à côté na mosanda o ya. Il avait été parlé quand les troubles étaient au début. Mais quand il faut le au mobile d'un des bandits. Oh, babé. A comme le tigre qui bite en la soie. Après, il est entré en coma. Wana kota qui na mosanda okoye bi a bozindo. Ba même il est en hôpital, minga nga bobo maga batouté. Mosanda bisonde kolugande ko bigisa. Vous savez ce qu'on a fait? On lui a donné les traitements pour les ramener à la vie. Nous avons fait ça. Il a eu des déformations dans son corps, mais il a retrouvé la vie. Nous pensons que nous sommes dans l'hôpital. Donc on fait son traitement au pika. On dit que nous avons un lâche. Oh, n'a coup pas, n'a pas quitté, moi c'est Nangaï, mon bari Nangaï. Zonga wa. Y'a qu'à couter dans ma cabo. Êtes-vous là? Il y a un Dieu là où il existe. Il est un secours qui ne manque jamais dans la vie. Il souffre des fois à cause de l'intérêt du Seigneur. Il connaît quand par vous pour la cause à condiment. Qu'est-ce que l'incrédulité? L'homme a cause à condiment. Dieu se révélera être le secours. Zambé a commis mon état à cause à l'histoire. Comme il avait dit à William Ranam. Ma présence qui ne fait jamais de mal. Ne t'abandonnera jamais. Ne t'abandonnera jamais. Ne t'abandonnera jamais. Ranam aussi a souffert dans ta vie. Il a vu le secours qui ne manque jamais. À mon avis, il souffrait sans cacaté. Toi aussi, tu auras beaucoup de preuves. Le souffrance et les difficultés. Mais tu ne manqueras pas de secours. Car quand tu es à la foi, le secours est là. Et ton Dieu est ce secours. Tu l'aimes vraiment, mais ne meurs pas dans l'incrédulité. Écoutez ce qu'il dit encore. Oh, c'était Jean chapitre 8. Et Jean chapitre 8. J'ai déjà tourné ailleurs. Okay. Voilà. Il leur dit au verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Boye na lobi na bino eti, boko kufa kati na masumu na bino. Soko boko ndimatete ngai na jali oyo jali ngai mbe boko kufa na masumu na bino. Vous croyez vraiment? Vous allez condimater penza? Voyez que le remède à l'incrédulité pour ne pas mourir dans le péché. Le remède, c'est la foi. Ici, et le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde. Au sujet du péché. Et le Seigneur explique pourquoi. Parce qu'il ne croit pas en moi. Parce qu'il soit incrédule. C'est ça le péché. C'est l'incrédulité. Mais le Saint-Esprit vient pour vous convaincre. Pour vous délier de l'incrédulité. Pour vous introduire dans le monde de la foi. Et le monde de la foi est de la foi. Là il y a la lumière, la joie et la foi. Je ne vais pas lire encore ici dans les sermons influence. Influence qui a été prêchée en 1963. Influence. Oh mes chers amis. Influence. Paragraphe 100. À 102. Oui. Vous voyez, il y a une autre chose que nous devons savoir. Peu importe combien Dieu vous a béni, vous n'avez pas le droit de réprimander le oint de l'Éternel. Vous allez m'accompagner à Kopamela, papa Kolaminanzambi. Amen. C'est vrai. Peu importe combien Dieu vous a béni, ata boni boni nzamba siliko pambola yo, vous n'avez pas le droit, vous allez m'accompagner, de réprimander, ya ko pamela, le oint de l'Éternel, papa kolami oyo nzambe, ou de dire quelque chose contre, toko lo baso kili kamonini ko telemela bango. Le message vous prive ses droits. Sango et pekisio ma pokiwana. Si les incrédules peuvent le faire, toki mazan ko nimako ko sala. Yo eklejate. Pas toi incroyant. Yo mondimité. Tu connais les règles de la parole? Oyebi, tu connais les principes de la foi? Oyebi, o ya kondima ya zeko tena. Pratique-le et tu vivras. Sale ya ngope ko bika. Ngoko tena pe bolobi. Et vous allez vous permettre n'importe quoi. On ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. Sachez que Dieu existe. Et si tu es un croyant, il reconnaîtra que Dieu existe. Et qu'il paye chacun d'après ses œuvres. Il est le rémunérateur de ce que le cherche. Fais le bien et Dieu t'approuvera. Dis le bien et Dieu t'agréera. Quand tu fais le mal, Dieu te condamnera. Il y a une autre chose que nous devons savoir. Peu importe combien Dieu vous a béni, vous n'avez pas le droit de réprimander le oint de l'Éternel. Ou de dire quelque chose contre eux. Tokolo maloko moko ko telemela bango. C'est vrai. Izali ya solo. C'est vrai. Izali penza ya solo. Vous ne trouvez pas qu'il y a qu'un croyant qui peut supporter ça? Vous avez comment la tête d'aller mobile mon divinago ko ikila piko na likambo yo. Message le kolo yo boyé. Na na kolo ango amen na bopete. Oyo boyé. Tout droit au but boy. Voilà, il est malamoko et tout ipenda na tina na melomana. Ninoko yaba frère du message, le frère du message. Ba toi avec toi pekiselo. Je suis frère. Mazali ko pekisa. Je suis un frère de frère. Mazali penda ko pekisa ba nous dit ça. Cette vérité arrive chez lui, ça se bloque. Solo et comme pas na et tele miko ko kenda tout le bosoté. Bande de incrédules. Et son gars va sans y condima. Je connais vos cœurs. Zambe a yebi bike bana bino. Vous n'échapperez pas au jugement. Votre fille m'a tient la constante ça va vous Zambe. Ça récoltera ce que l'on a. On monte à kokuka et lokwa kwa kolona. Le message, Dieu l'honorera. Sango Nzambe akomi miango. Vous êtes libre de choisir entre faire le bien et faire le mal. Chacun dans vos églises respectives. Mokona mokona ekeza na bango. Vous êtes libre de choisir entre faire le bien et faire le mal. Mais sachez qu'à chaque acte, il y aura des conséquences. Parce que vous êtes libre de choisir entre faire le bien et faire le mal. Vous allez raconter ce que vous aimez. Okobuka vous allez colonna. Atala tango tona sima tango. D'une manière ou d'une autre. Nous allons voir comment nous sommes. Dieu doit se repentir. Donc il va monter Nzambe. La cotine d'Akasangola le lingo. Parce que les gens sont permis de ne pas faire. Parce que ma vie petit si, ma petite si la cotine la soukinini. Soyons sur nos gardes. Ok, va. Avec notre grande spiritualité soi-disant. Na, mon livre n'a pas été à mon aide. Soyons sur nos gardes. Ok, va. Dieu te surveille. Zamba zale kotala ya yo. Zamba zale kotala yo. Zamba le monde entier. Zale kotala mon kilmo bimba. C'est vrai. Asolo. Peu importe combien Dieu vous a béni. Vous n'avez pas le droit. Vous allez m'accoquiter. De réprimander. Le roi de l'éternel. Ou de dire quelque chose contre eux. Ou de dire quelque chose contre eux. Ou de dire quelque chose contre eux. Ou de dire Amen. Trop d'indisciplinés dans les assemblées. Bazangi bofonde meke kati ya kata. Bazangi kokata mangenga. Ils comprennent rien du message. Bazali kososo le loko tela sango. Ils comprennent pas quoi. Bazali kosala sokini, bazali kolo basokini. Notre message est plein de valeurs. Sango na biso etonde sami na makamba kitoko. C'est pour les croyants prédestinés. Bazali pona bandimi ba. Ils seront capables de les vivre. Bakoza na makoki ya kobika yango. Bapona mi. De pratiquer ça. Kosale yango. Es-tu l'un d'eux? Vous allez m'en concater, Nabango? Que la parole te justifie. L'iloba elongi sayo. Que tu es de ceux-là qui ont appris. Vous allez la carte à Baoro, Baïkoli. Je ne savais pas ce que tu laissais des enfants. Vous devez quitter, vous devez Bango, vous devez faire. Le roi de l'éternel. Bapa Kola Minankolo. Le roi de l'éternel. Bapa Kola Minankolo. Dieu a dit, ne touchez pas à mes soins. Nabango, vous allez m'en concater, Bapa Kola Minankolo. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Vous allez m'appeler, tiens, Bapa Kola Minankolo. Oh, mais ça, c'est un verset 15. Zembo, Mokama Moko. Namitano. Dieu qui a écrit ça, Molokoya, demeure vivant. Il enregistre toute parole de tout homme. Azali kokanga liloba nyoso ya moto nyoso. Tout acte de tout homme. Musala nyoso ya moto nyoso. Et il vous fera payer pour ça. Akofuti sabino pone yango. Si pas ici bas. Ata awate. Dans l'au-delà au tournant. Kuna na libana na tango. Il va te récupérer. Et tu subiras le mérite de ta méconduite. Mais au zoa, oh, le lengue n'est pas la conduite, tant que ça m'a fait. Frère. Déco. Comprenez ces choses et crédibles. Osora, biloko, pepa, nga, zambé. Cousez vos bouches et ça c'est quoi dit. Botonga, tomo, kanga, mino, kona, mino, pepo, eva, nini, koloba. Au jour du jugement dernier. Mino, kona, kosa, bisa, asuka. Matthieu 12, verset 36, c'est ça. Matthieu, zomina, mi, balé, molonga, tukumi. Satona, motoba, tukumi, satona, sango. Et toutes paroles vaines qui seront proférées. Batoba, kosong, samono, kona, ilo, vanyo, sera, pamba, bakoloba. Tu jugeras, pourquoi tu avais dit ça? Zambé, akosan, mi, avais-tu les droits de parler comme ça? Ne savais-tu pas que c'était mon roi? Oui, bah, qui t'es, t'as dragué, mon pas, kola, minangai. Et pourquoi tu l'as dit? Pour un nid aussi la colombango. Ne nous compliquons pas la vie, les amis. Arrêtons avec le système d'incrédulité. C'est l'incrédulité qui amène les gens à faire ces choses. Des choses stupides. Et dire des bêtises. C'est l'incrédulité du cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout Soyez sensé et discipliné. Vous contrôlez votre bouche. Vous contrôlez vos actes. Vous Amen. Amen. Ok. Dieu nous avertit, nous aime. Peu importe combien Dieu vous a béni, vous n'avez pas le droit de réprimander les rois de l'éternel. Vous devez dire quelque chose contre eux. C'est Dieu qui s'en occupe. Pour ne pas colaminer, à ce qui paga na bango. Amen. Apprendre qui veut. Motolini ali koyekola ekola. C'est Dieu qui s'en occupe. Les alizambe yemo kwa kotala makambota libango. Ils sont à réprimander. Soki esengele te papa mela bango. Ce sont ses enfants. Les alibana na ye. Laissez-les tranquilles. Botika bango na kimya. Bango ba pakola mia yawe wana. Ata ba kutamike o yombeba o likambo yo, il faut ko pamela pesa bango. OK? Mais yeba ete lokola yo ozagape mona zambe. Bango pe basali, bana ya zambe wana. Fika bango tranquille. Amen. C'est Dieu qui s'en occupe. Zambe yemo kwa kotale la makambo na bango. Vous n'êtes pas censé le faire. Bozali na makokite ya kosala yango. Vous n'êtes pas censé le faire. Bozali na makokite ya kosala bongo. Oh, comme c'est dur certaines vérités. Ona nini ezali pasi basolo musolo. Par rapport à nos libertinages. Kotale la kolekitandelo la bosomi na biso. Parfois dur à avaler. Ekomaka pasi pona komela yango. Difficile de dire amen. Pasi ya koloba ezali mopele bongo. Amen. Yango église te. Ton lobaka trop. Sikoyo tokomi koese yango. Tende sikoyo kende kutubela. Tende pa mosali na nzambe wana senga ye bolimbi si abonde la pona yo. Amen. Ah. Na ko kende pa mosusi te kaka oyo tonga ki ube. Ye wana nde pa abonde la pona yo. Amen, c'est vrai. Et lorsque vous dénoncez le péché des gens, et que vous leur dites qu'ils sont en erreur, ça c'est ce que nous subissons nous les prédicateurs. Et on va nous chercher les pouces sur la tête. À côté. Lui il veut montrer quoi? Il est déjà parfait. Hein? Et lorsque vous dénoncez le péché des gens, et que vous leur dites qu'ils sont en erreur, et que vous dites sortez, n'essayez pas d'aller au ciel, sur base d'un système terminationnel, ou quelque chose comme cela, oh là là, bonté divine. Il voudrait exploser. Ils le voudront. Ils voudront découvrir vos fautes à vous. Yo telemi obaniko tari sabatu de batale libunga. Oyo boye, vous êtes en erreur. Et là-bas, le péché, arrêtez. On a le fumo botika. En réaction. La causeon qui s'amakambo. Ils voudront exploser. Bango bakoluka va pas souka va pantana. Qu'est-ce qu'ils se mettront à faire? Bako sala nini. À chercher vos fautes, vous les prédicateurs. Bakoluka mbeba na yo motei. Kousana yo awa. Dieu là. Yo lingolo bani. Totika oyo. Totika na oyo. Fona nina go. Yo ne ozaka na mbeba te. Zela. Ils vont chercher vos fautes, vous. Écoutez, et ils ne vont, ils vont même pas s'asseoir pour vous écouter. Ils se lèveront et sortiront. Et ils seront grossiers. Ils vont quitter, ils sortent, ils partent. Ils refusent de vous écouter. Et puis ils deviendront même grossiers. Et agiront n'importe comment. Vous voyez, cela montre pour commencer que c'est un signe d'une mauvaise éducation. Oh, mais l'église est là. Ils allaient côté de sa coutou, ils allaient l'église à Oyele ki mutowa parole les apona yo yolo baga amen. Amen. Prophète ndalobeza bongo. Bato basala kabisala sala boye, ba exploser, balugi bambeba moteyi, pe ba bimi ba komi grossier, ba boy koyoka et tout et puis se mettre à dire n'importe comment. Cela montre dès le départ que c'est un signe d'une mauvaise quoi. Vous allez kotalika. Kokolama ya mabe, abokolama mabe. Yo frère, loba azama le dije. ne komobali no baite abokola mabe tangi komba mutute comportement kaka wana abokola mabe ça est le mot ya ki mal éduqué. Imaginez maintenant asa mal éduqué na famille na ye ameme ngope na église sikoyo alo bagabiso to yoka kayi ye nan mal éduqué abokola mabe alingi ba bébé éducation na yope ya ye se beba alingi ba bébé sayo. Non, écoutez plutôt la parole du Seigneur. Boyoka liloba na nzambe. C'est amen. Zali bongo. Mais nous voyons que ce gars a apporté cette attitude en faisant ce qu'il avait fait là. Mbali oyo ate ko mema lolenga ko zonga makambo ko sala kalolenga sala ki. Qu'est-il arrivé? Nine ko mela ki? Le roi Osia. Wana ko konza. Le Seigneur l'a frappé de lèpre. Kolo abeta ki na malaria mbala. Là même au temple. Wana na tempelo. De quoi la lèpre telle le type? Ni mbala izala kotalisa nini? Li péché. Yali sumu. De l'incrédulité. Yakozanga kondima. Il n'y a pas d'autre péché en dehors de l'incrédulité. Ezali yali sumu mususu teli banda yakozanga kondima. Il est écrit que celui qui ne croit pas est déjà jugé. Dans Jean chapitre 3, on a lu ça. Dans Jean chapitre 3, on a lu ça. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Dans Jean 3, je crois, verset 17 et 18. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et l'incrédulité est l'unique péché qui est. Et Dieu envoie le Saint-Esprit pour convaincre le monde entier au sujet de l'incrédulité. Leur montrer qu'ils n'ont pas Jésus le Sauveur. Et ils doivent le recevoir. L'unique Sauveur du monde entier. Ils ne doivent abandonner leur incrédulité. Et croire en Jésus-Christ. Le monde entier est toi. Nous disons amen. Et nous aimons vraiment ça. Vous aimez ça vraiment? Oh mes chers amis. Je vais lire encore ici pour terminer. Dans voici il y a ici plus que le plus grand de tous. Voici il y a ici le plus grand de tous. Péché le 15 juillet 1962. Alors là, le paragraphe, il va, inclinons maintenant la tête pendant que nous prions. Notre Père Céleste, nous allons prier les uns pour les autres. Confessez nos fautes les uns aux autres. Oh Dieu, que chaque homme, que chaque femme qui est ici maintenant, que ce péché lui soit pardonné. Car les mains de l'évangile vont être posées sur les malades et les affligés. Oh Dieu, s'ils ont commis un quelconque péché, qui pourrait constituer pour eux un obstacle, je te prie, oh Dieu, de leur pardonner leur péché. Et nous savons qu'il n'y a qu'un seul péché originel. C'est l'incrédulité. Celui qui ne croira pas est déjà condamné. Et nous savons que l'incrédulité est l'unique péché qu'il y a. L'homme qui commet l'adultère, ainsi que la femme et tout, ils font cela parce qu'ils ne sont pas croyants. Qui a dit amen? S'ils étaient des croyants, il ne ferait pas cela. Il croirait en toi et il aurait la vie éternelle. Tu as dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. C'est la parole Seigneur. C'est donc une question de foi ou d'incrédulité. Sois contrôlé par la foi. Je suis prédicateur de l'évangile, je ne veux pas que tu sois contrôlé par l'incrédulité. Je te conseille de choisir cela. Sois contrôlé par la foi. C'est possible, c'est faisable. Oh Dieu, Que chaque personne qui passe par ici mette de côté toute incrédulité. Et quand ils passeront par ici, puissent-ils venir comme si ils passaient sous la croix du Calvaire. Et que le sang tombait sur eux. Que la précieuse présence du Saint-Esprit, qui est plus que Salomon, soit ici aujourd'hui, dans la puissance de la résurrection de Christ. Et qu'elle confirme chaque maladie qui passe. Accorde le Seigneur et puissent-ils et tous être guéris pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez pris ça pour vous-même? Avez-vous entendu le Saint-Esprit convaincre le monde aux cieux de l'incrédulité? Et vous-même, étant encore dans ce monde, vous concernez quelque peu par l'incrédulité? Il y a encore quelques traces d'incrédulité en vous? C'est vrai, amen. Mais le Seigneur est venu pour vous aider. Il veut vous débarrasser de toute incrédulité. Tenez-vous debout et que Dieu vous bénisse. Je vous en prie. Moi, je suis délivré par sa parole. Amen. Par avant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Oh, auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Oh, je suis délivré par le Seigneur. Oh, man, je suis délivré par sa auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré par le Seigneur. Auparavant, j'étais lié par Satan. Oh, je suis délivré par le Seigneur. Oh, le Jésus. Chacun maintenant. Merci Seigneur. Na tonde colo, amen. Na tonde colo, amen. Amen, alléluia. Pona, pona, Golgotha. Amen. Pona Golgotha, Pona Golgotha. Amen. Pona Golgotha, Pona Golgotha. Amen. Amen. Alléluia. Kolo, amen. Kolo apote nyongo nanga. Apote nyongo. Mo peke se nanga, apote nyanga, apote nyanga nanga, Amen. Alléluia. Kolo alimbe singa ama, alimbe singa, alimbe singa ama, alimbe singa, alimbe singa ama, amen, alleluia, kolo. Kolo abeke singa ama. Abe kesenga, kesenga ama. Abe kesenga, kesenga ama. Amen, alleluia, kolo. Kolo akangolenga, délivré par sa grâce. Kangolingai aman, kangolingai aman, aman, alleluia, aman. Atombolingai aman, bimisigana babases, kumbolingai aman. Atambolinga, tambolinga, amen, amen, alleluia, kulu, amen. Kulu yeso, atambwisinga, amen. Molimo santo, tambwisinga, amen. Mikolo nyoso, tambwisinga, amen. Amen, alléluia, kulu, amen. Kulu zambe, atonde singai, amen. Molimo santo, atonde singai, amen. Atonde singai, atonde singai, amen. Amen, alléluia, kulu. Kolo yesonde zambe nanda, yesonde zambe, sonde zambe nanda. Namo sema, yesonde zambe, sonde zambe nanda. Amen, alleluia, kolo. Kolo yemo bekesi, amen. Yemo bekesi, mo bekesi, amen. Yemo bekesi, yemo bekesi, amen. Alleluia, kolo. Yemo bateli nanga. Yemo bateli, le bon berger c'est lui, gardien de nos âmes. Yemo bateli, yemo bateli, amen, alléluia, kolo. Ambena beka moi, ambena beka moi, je vous fais miracle. Amen. Bambena beka moi. Fais tout ce qui est possible à faire. Amen. Alléluia. Amen. O tatana libela yende. Tatana libela. Tana libela yende. Tatana libela. Tana libela. Amen, alléluia, amen. Kolo yemo sikole, amen. Yemo sikole, yemo sikole, nanga. Yemo sikole, yemo sikole, nanga. Amen, alléluia, kolo. Oh, Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, Père de lumière et gardien de nos âmes, toi le souverain berger incomparable, toi Jéhovah Sabaoth, l'éternel Dieu des armées, qui juge et combat en justice, qui soutient la vérité dans tous les temps, qui vit éternellement, que ton nom soit élevé et sanctifié, pour l'évangile que tu envoies. Parfois il est contre l'incrédulité, contre le péché, mais c'est pour notre bien. Tu veux nous délivrer, tu veux délivrer l'église, il faut vaincre l'incrédulité, il faut vaincre la sorcellerie, il faut vaincre la magie, il faut hériter la foi et les promesses de Dieu. Chaque promesse c'est à nous nous le croyons, Seigneur. C'est à nous la foi véritable. Mène-la la perfection. Chasse les ténèbres de nos vies. Et que soit sur nos prières. Visite cette église. Visite-la en profondeur. Change le cours de la vie de chacun. Pour ceux qui veulent palper le changement. Les réalités de Dieu. Seigneur, opère quelque chose. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ, nous sommes devant toi. Ayant foi autant que nous pouvons. Sachant que tu n'es pas loin de chacun. Sachant que tu existes réellement. Et tu fais toutes choses selon ta parole. Et tu feras concourir toutes choses à notre bien. Louange et honneur à toi, Seigneur. Toi, le bon berger, venu pour que tes brebis aient la vie en abondance. Nous t'adorons et nous t'élevons. Nous t'exaltons et nous bénissons ton nom. Ici et partout où nous sommes. Au nom saint de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le prions. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement.